à force de frappe, tu tombes dans la trappe, gavé de crabe, phase de rap où l'esprit ramolli. Gens trop polis, de meufs bien roulés, t'as changé de rôle, au bras on run, montre en Rolex. Mais non t'as des ronds, ça roule, ton passé drôle tu laisses. Loin derrière, manière à quoi pour reculer, bêtement basculer. Manipuler sans scrupule, un de ces jeux masculins. Jouer les vilains, alors que là, tu te la trouves tranquille, hein. T'as trouvé le filon, plus enfilé, faire le filou. Pas de bilou, fois que ça se passe, t'engraisses, prends des kilos. Le passé l'oublie vite, comprends son lit, t'as ses limites. Ça se complique quand je pointe le type d'une ancienne élite. À qui t'as fait payer au fond, qui dépassait les limites. À l'époque épique, ou pas chino pour toi plus qu'un mythe. Donc tu limitais, danger, fatalité. Et tu te viens de m'enculer. La rubrique, v'là tu répliques, attends que je t'explique. Je m'as tué sur toi, tu chies dessus. Comme on fasse des gueules dans un cul-de-sac, un trou sans issue. Bien. Rangé, casé, comme sur le but pour phraser. Regrette le passé, l'époque tu jouais les Kaiser Sosé. Fallait oser, désormais voudrais te reposer. Mais tes anciens clients sans cesse reviennent pourtant qu'il osait. Quand ton passé te rattrape, frappe, tape à ta porte l'ambiance qu'il apporte. Tu peux l'éviter que lorsque. Que lorsque au moins le service te rapporte. Quand ton passé te rattrape, frappe, tape à ta porte l'ambiance qu'il apporte. Tu peux l'éviter que lorsque. Que lorsque au moins le service te rapporte. Genre de Suzy, tout son tralala. Lui tu tombes dans le coma habillé, tu prends franchement son à son arrivée. Tu peux pas te priver de cette Madonna. A qui le truc donna de quoi lui dire bébé tu sais que t'es bonne. Vu l'effet qu'on a à la voir, ça te promet direct Nirvana. Tu peux pas vanner quand depuis des années je te vois entamer. D'années à damer, des dames fanées. Jamais je plaisante blague quand il s'agit de femmes et de monnaie. Qu'est-ce tu veux, j'ai cette manie, faudra me compter parmi cette armée que mec tramé qui pour sujet peuvent pas la fermer. Des hommes, des donnes à la conso, pourtant pas de coma. Au lit à combat comme à Las Vegas, le pire des traumas. Le premier chroma, même en femelle, n'a pas son format. Le temps passe, même les plus belles ne peuvent faire face aux menaces des rides, aux séquelles qu'elles tracent. D'ailleurs, Anna Zola, ses nombreux ex, ses fleurs de l'agace. Désir du durable, changer d'air devient inévitable. Son profil lui permet avec un homme respectable. Bref, un info pour tout à ses délires, mais un verrou. Nouvelle adresse, nouveau numéro, un plein d'être blaireau. Un peu moins véreux des autres, peut-être un peu plus sérieux. On verra vers où elle ira, l'avenir de destin nous le diront. Pour le moment faut assurer, on sait jamais au cas où les faits de moi difficile. Tant pis si c'est un cas au lit, tu vas rigoler. Flaquin des gosses sort bariolé. Pourtant t'as du pater, la peau de la mer couleur riolée. Rayon mais un âme, v'là ton passé qui trionnait. Quand ton passé te rattrape, frappe tape à ta porte l'ambiance qu'il apporte. Tu peux l'éviter que lorsque. Que lorsque au moins ses services te rapportent. Quand ton passé te rattrape, frappe tape à ta porte l'ambiance qu'il apporte. Tu peux l'éviter que lorsque. Que lorsque au moins ses services te rapportent. Ton passé te rattrape, méfie-toi de sa force de frappe. Suffit derrière ton dos que quelques gars réclament justice. Des histoires sans demi-mesure, t'as pas fait preuve de justesse. Discret jusqu'à ce que le jeu se tasse, les gens se taisent. Mais qu'on se dise bien, c'est pas en un clin d'œil qu'une bonne réputation se tisse. Penses-tu sérieusement pouvoir gommer certains événements? Tu prétends simplement t'étais juste âgé de 20 ans. Donc évidemment, pas contrôler fois de plus ton tempérament. Tant pis, rarement t'en sors pour pas te faire rush. T'aurais dû gérer chez Alain Torrent. Car le passé, un de ces restaurants n'affichant jamais complet. Ce qu'on te plaît, on le veut tous, mais maintenant te v'la combler. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha